Ça semble quoi? C'est un pauvre métier, ma foi, que celui de ma bonne fortune. Se cacher, raser les murs, attendre l'heure opportune, en piétinant sous la lune, vivre dans le clair-obscur et la crainte du mélodrame. Ménager le repos d'un ennuyeux barbeau. Morbleu, que serait-ce, mesdames, si l'on vous aimait pour de bon? Enfin, vous voilà, ma charmante. Faut-il que je vous complimente? Et le danger s'est-il évanoui? Avez-vous suivi ma méthode? Vous le voyez, rien n'est plus commode. Est-ce un éclair que vous avez choisi pour attirer la foudre? Oui. Le jeune homme a-t-il pris son poste? Est-il docile à la riposte? Nous nous divertirons de lui. Oui. Qu'avez-vous? Vous êtes rêveuse, vous avez l'air tout interdit. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Alors, morbleu, Jacqueline, pourquoi cette mine? Si j'inventais ce joli tour, n'était-ce pas pour sauver notre amour?